يرتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Hadith numéro 38. Abu Huraira radiallahu an, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui montre de l'hostilité envers un de mes wali, mes rapprochés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires au point que je l'aime, et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, assurément, je l'exaucerai, et s'il cherche près de moi asile, assurément, je le lui donnerai. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. تكلمنا الأسبوع الماضي عن بعض جمل هذا الحديث العظيم من الأحاديث القدسية ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في بداية هذا الحديث الله عز وجل ذكر لنا أن من نصب العداوة إلى ولي من أوليائه فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه أنه محارب له أن الله سبحانه وتعالى محارب له بمحاربته لولي من أولياء الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الصفات التي من خلالها نال بعض عباده يعني منزلة الولاية، فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. معنى ذلك أن هؤلاء الأولياء يتعبدون لله سبحانه وتعالى بالفرائض، وزيادة على الفرائض فإنهم يتعبدون لله جل وعلا بالنوافل. وذكرنا أكثر من مرة أن الذي يؤدي الفرائض ويترك المحرمات يسمى بالمقتصد، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء المقتصدون هم أصحاب اليمين. إذا وجدتم في القرآن أصحاب اليمين فهم الذين يؤدون الفرائض ويتركون المحرمات. أما السابقون بالخيرات والمقربون هم الذين يؤدون الفرائض ويؤدون السنن والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات. أما الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني أتى بالواجبات وأتى ببعض المحرمات. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، يوم القيامة الناس سيكونون أزواجا ثلاثة كما قال الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الواقعة. يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا هو الذي يأتي بالنوافل زيادة عن الفرائض من نوافل الصلوات ومن نوافل الصدقات ومن نوافل الصيام والحج والعمرة إلى غير ذلك. فكل ما ليس بواجب فإنه نفل، كل ما ليس بواجب فإنه نفل. والنوافل يعني تطلق عليه بعض العبارات كالسنة والنافلة والتطوع والفضيلة، هذه الكلمات كلها بمعنى واحد. كذلك الواجب يطلق عليه الفرض ويطلق عليه الحتم، فهذه الكلمات كلها بمعنى واحد. يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلمة لا يزال تدل على الاستمرار، معنى ذلك ليس الإنسان يأتي بنافلة مرة واحدة فيظن أنه داخل في هذا الحديث، لأنه يقول ولا يزال، يعني يستمر ويواظب على هذه النوافل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل. فالعمل الدائم الذي يستمر عليه العبد أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل الكثير الذي نهايته الترك. فبالأفضل الإنسان أن يستمر مثلا أن يواظب على ركعتين من النوافل في اليوم طوال حياته، مثلا من أن يأتي مثلا مدة شهر بإثنتي عشرة ركعة ثم بعد شهر يترك ذلك ونهايته أن يؤدي الفرائض فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا من الأعمال، أي عمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمله فإنه يثبته. ما معنى ذلك؟ يواظب عليه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أشغل عن النوافل بعد صلاة الظهر، يعني شغله شغل فلم يتمكن من أداء الصلاة النافلة البعدية التي تكون بعد صلاة الظهر، فقضى هذه النافلة متى؟ بعد العصر. قضى هذه النافلة بعد العصر، حتى ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه تشرع الصلاة بعد العصر لما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أزواجه أن يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة وجويرية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى هذه الصلاة أثبتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فنهاية هذا الاستمرار على النوافل أن يحصل الإنسان على محبة الله جل وعلا، وهذا من أعظم المطالب والغايات التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن، أن يحاول الإنسان أن يدخل في الطائفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما فتجد في القرآن: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا وجد الإنسان وصفا من الأوصاف يحبه الله سبحانه وتعالى، المؤمن عليه أن يحرص على هذا الوصف. وتدل كذلك على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى يحبه، ولكن حبه ليس كحبنا، فليس كمثله شيء، ولكن هذه صفة ثابتة لله لأنه أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. Donc on était arrivé au verset, à la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires au point que je l'aime. Donc ce hadith, il est appelé hadith al-wali. Ce hadith, si vous entendez un jour hadith al-wali, c'est ce hadith là comme quand on dit hadith Jibril, c'est hadith Omar ibn Khattab. Ce hadith là, son nom c'est hadith al-wali. Donc il nous explique Allah subhanahu wa ta'ala, et il met en garde contre le fait de détester ses serviteurs qui lui sont rapprochés. Donc, comme on avait expliqué la semaine dernière, serviteur rapproché, c'est tout croyant qui craint Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué qu'est-ce que c'était Al-Wali dans surat Yunus. Il dit: ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront aucune crainte et aucune peine, c'est ceux qui ont cru et craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il met en garde contre le fait de détester ces gens-là, le fait de détester les gens pieux de l'islam. Et ensuite il nous a expliqué comment ces gens-là ont atteint ce niveau, le niveau donc d'être rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable à mes yeux que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Donc les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère parmi les adorations, c'est les obligations. Par exemple les piliers de l'islam, bref toutes les choses obligatoires, ce qu'on appelle en arabe al-fard ou bien al-wajib. C'est-à-dire les choses qui permettent à la personne d'être récompensée si elle les accomplit, et à l'opposé, si elle ne les accomplit pas, elle mérite d'être punie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit: et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires au point que je l'aime. Donc en plus d'accomplir les actes obligatoires, ces serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils accomplissent des actes surérogatoires, quels qu'ils soient. Par exemple, des prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire, sadaqa surérogatoire, autre que la zakat, le pèlerinage surérogatoire. Bref, toutes les choses qui ne sont pas obligatoires rentrent dans ce qu'on appelle al-nawafil, ou bien sunnah, ou bien tatawwa, ou bien nafila. Tous ces mots-là sont des mots synonymes. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a classé les gens en trois catégories. Et c'est ces trois catégories qui sont ici-bas et qui seront également dans l'au-delà. Nous avons al-zalimu li-nafsi, celui qui s'est causé du tort à lui-même. C'est la personne musulmane qui accomplit des bonnes œuvres et en même temps, elle accomplit des choses interdites. C'est ce qu'on appelle al-zalimu li-nafsi. Ensuite nous avons al-muqtasid. Al-muqtasid, c'est celui qui a accompli les obligations de l'islam. Toute chose obligatoire en islam, il l'a accompli. Et il a délaissé les choses interdites. Mais il n'a rien fait de plus. Il n'a pas fait de choses surérogatoires et il n'a pas fait de il n'a pas également délaissé les choses déconseillées. Il s'est seulement contenté d'accomplir les choses obligatoires et de délaisser les choses interdites. Et ça également, le muqtasid, il rentre au paradis ou pas? Il rentre au paradis, inshallah. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme lui est venu, on a vu dans un hadith, il lui dit explique-moi si je ne fais que les cinq prières, que je donne la zakat et que je jeûne le mois de Ramadan. Il lui a dit: est-ce que je rentrerai au paradis? Il lui a dit oui. Le hadith, il est dans As-Sahih. Et dans une autre version, il dit, cet homme, il dit: wallahi ba'athaka bil haqq la azidu ala hadha wa la anqus. C'est-à-dire, je ne ferai rien de plus que les choses obligatoires et je ne ferai pas moins. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Aflaha in sadaq. C'est-à-dire, il obtiendra donc la victoire si il est sincère dans ce qu'il vient de dire. Ou bien, dakhal al-jannah in sadaq dans une autre version. Et on a ceux qui sont au-dessus, c'est ce qu'on appelle as-sabiquna bil khayrat. C'est-à-dire ceux qui se concurrencent les uns les autres dans les bonnes œuvres. Également ce qu'on appelle al-muqarrabun. Et ceux d'avant, le muqtasid, on appelle dans l'au-delà, ils seront ashab al-yamin. Donc ici, dans ce bas monde, il s'appelle muqtasid, et dans l'au-delà, ce sera les gens les ashab al-yamin. Ici bas, il y en a ces sabiqu bil khayrat, et dans l'au-delà, ils seront al-muqarrabun. Ça, c'est ceux qui ont accompli les choses obligatoires, et en plus des choses surérogatoires. Ils ont délaissé les interdits, ils ont même délaissé les choses déconseillées. Donc ici, al-wali, c'est celui donc qui accomplit, qui fait partie donc al-muqarrabin. C'est pour ça qu'il dit wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. C'est-à-dire mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires au point que je l'aime. Vous remarquerez qu'ici il a dit ne cesse. C'est-à-dire que la personne elle accomplit un acte surérogatoire de manière continuelle. C'est pas la personne, elle fait deux rak'at un jour sur l'érogatoire et elle pense rentrer dans ce hadith. Elle dit wala yazalu. La personne, il faut qu'elle, justement, elle soit patiente et qu'elle continue à accomplir cet acte. Et en ce qui concerne les actes surérogatoires, il vaut mieux une petite quantité accomplie de manière régulière plutôt qu'une grosse quantité qui finit à la fin par être délaissée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Les meilleures des les œuvres les plus appréciées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les œuvres les plus continuelles, même si elles sont en petite quantité. Donc il vaut mieux par exemple deux rak'at surérogatoires. La personne les fait jusqu'à sa mort, bi'iznillah, plutôt qu'une grande quantité. Et la personne, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, elle délaisse cela et jusqu'à arriver à ne plus rien faire. C'est pour ça que le musulman, il faut qu'il qu'il prenne donc une quantité d'œuvres qui lui conviennent et sur laquelle il peut donc continuer et être constant. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Donc jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime donc ce serviteur qui ne cesse de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par des œuvres surérogatoires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms et des attributs. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il aime. Et tout nom et tout attribut doit être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala par une preuve. On ne peut pas donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala comme on le veut. Pourquoi ? Parce qu'Allah al-asma'uhu husna. Ma mana husna ? Wa mu'annath li al-ihsan. Donc il n'y a pas de nom mieux que ces noms-là. Donc une personne, et ces noms-là, c'est Allah qui s'est donné à lui-même. Et donc, toi tu peux penser que ce nom-là que tu lui as donné à Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, mais il n'est pas ahsan. C'est pour ça que donc, tout nom donné à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut forcément une preuve, soit du Coran, soit de la sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il parle par révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et donc parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hub, le fait qu'il aime certaines qualités, il aime certaines personnes. إِنَ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Donc les preuves sont présentes pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et il faut en aucun cas également comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Donc il y a deux choses. Il faut attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué à lui-même ou bien son prophète, mais sans le comparer à ses créatures. Donc deux choses essentielles dans la croyance du musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc ça, c'est des preuves qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable à ses serviteurs. Idhan an yuhibbaka Allah subhanahu wa ta'ala la budda an tattasifa bi ba'd as-sifat hatta tastati'a an yani tukhbira nafsaka an Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuk. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين ادعوا محبة الله أو أن الله سبحانه وتعالى يحبهم يعني وهم يعني كاذبين في دعواهم. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يعني زعموا أن الله سبحانه وتعالى يحبهم فنفى ذلك رب العالمين في كتابه قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا يتقربون إلى آلهتهم حتى يقربهم الله سبحانه وتعالى إليه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهذه مجرد يعني دعاوى فالذي يحب يريد أن يحبه الله سبحانه وتعالى لابد أن يتصف بالصفات التي يحب الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعني لا يحب الكافرين كما قال في كتابه في أكثر من موضع. ومن أعظم الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة إقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب. بهذا السجود يقترب الإنسان من ربه جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم فأقرب ما فأنفع ما يقرب من الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة. Donc comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime la personne qui se rapproche de lui par des actes surérogatoires. Donc Allah, il aime certains de ses serviteurs. Donc il ne faut surtout pas prétendre être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout si la personne ne rentre pas dans ses caractéristiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui prétendaient cela dans le Coran. Il a dit que les juifs et les chrétiens, ils ont dit « Nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. »« Nahnu abna'u Allah wa ahibba'u. » Allah, il dit ensuite « Qul falima yu'azibukum bidhunubikum. » Donc pourquoi il vous châtie pour vos péchés ?« Bel antum basharun min man khalaq. » Vous n'êtes que des hommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il les a blâmés pour les deux choses. Ils ont prétendu être les enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, lam yalid wa lam yulad. Et en plus de fait d'avoir prétendu être les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs, ils disaient les sha'nu an tuhib wa innama sha'nu an tuhab. C'est-à-dire le plus important, ce n'est pas que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ça qui est par tout musulman aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus important, ce qu'il faut que tu recherches, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Car toute personne prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime tous ces gens-là? Non. Du fait que beaucoup de gens qui prétendent aimer Allah n'accomplissent pas les actes qui apportent donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi également donc les œuvres, toute œuvre rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais certaines œuvres qui rapprochent encore plus le serviteur de son Seigneur. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans le Coran également, il y a des preuves qui nous montrent clairement que tel acte rapproche d'Allah. Par exemple la prière. Allah il dit Kalla la tuti'ahum wasjud waqtarib. C'est-à-dire prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui prouve que cette prosternation pendant la prière rapproche le serviteur de son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme dans Sahih Muslim, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est pendant la prosternation. Pendant la prosternation, c'est le moment où le serviteur il est le plus proche de son Seigneur. Donc qu'est-ce qu'il fait l'homme lorsqu'il est le plus proche de son Seigneur? Fa'akfiru fihi min ad-du'a, c'est-à-dire faites beaucoup d'invocations. Fa'qaminun an yustajaba lakum, car il est fort probable qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos invocations. Donc toute invocation que le musulman il a à faire, il faut justement qu'il les prépare pour la prosternation, car c'est le meilleur endroit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander ce dont on a besoin. كذلك من الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى العدل. العدل في هذه الحياة الدنيا, يعني جميع أنواع العدل, سواء كان الإمام, كان الشخص يعني إماما مثلا إمام عادل, أو كان يعدل بين أولاده, أو يعدل في حكومته إلى غير ذلك. كل من يعني ولي إمارة صغرى أو كبرى ويعدل فيها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن, يوم القيامة إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولو. Rawahu Muslim. Donc également, وعندنا المقسط وعندنا القاسط. المقسط هو العادل والقاسط هو الظالم. قسط بمعنى ظلم, وأقسط بمعنى عدل, يعني بزيادة حرف يعني انقلب المعنى. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما وإن وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Donc parmi les œuvres également qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être juste ici-bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens justes, juste dans tout ce qu'ils accomplissent. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah il leur donne la justice et la bienfaisance. Et dans un autre verset, il dit Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah il aime les gens qui sont justes. Et dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les gens justes seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des minbar de lumière à la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont justes dans leur jugement, dans leur famille et dans toutes les responsabilités qu'ils ont. Bref, donc la justice est une des choses qui rapproche le musulman d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى بعد أن تقربت إليه بالفرائض وبالاستمرار على النوافل، نتيجة ذلك أن الله عز وجل يسددك في أفعالك ويسددك في تصرفاتك وفي حركات جوارحك، فلا تتحرك جوارحك إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فلا تسمع إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا تبصر إلا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويدك لا تبطش إلا في مرضاة الله، ورجلك لا تتقدم إلا في ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، فيوفقك الله سبحانه وتعالى لفعل الخيرات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فشخص لا ينظر إلا إلى الأمور المباحة، ولا يسمع إلا إلى الأمور المباحة، وكذلك لا يعمل بيده إلا الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث. ولا يظن مسلم عاقل أن الله سبحانه وتعالى يكون يده، يعني من الناس من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني يحل في جسدي، وهذا كفر، لا يجوز الإنسان أن يعتقد ذلك، مفهوم. لا ينبغي الإنسان إذا قرأ هذا الحديث كنت، أن الله عز وجل يقول كنت سمعه، أن الله سبحانه وتعالى يعني يدخل في جسدك، لا يجوز للإنسان أن يعتقد ذلك، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى. معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى يسددك في جوارحك. دونك الله سبحانه وتعالى nous dit, nous informe du résultat de cet amour qu'il donne donc à ce serviteur. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Donc ça c'est le résultat et la récompense que la personne obtient ici-bas avant l'au-delà. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rend droit les membres du musulman. C'est-à-dire qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait aimé, Allah fait que son oui n'entend que des choses licites, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah fait que son regard n'est placé que sur les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. L'homme ne regarde que la chose qu'Allah aime. Également pour la main, l'homme se sert de sa main que dans l'adoration d'Allah, et également de ses pieds que dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se rend qu'à des endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Avec sa main également, il n'accomplit que les choses qu'Allah aime. Il ne regarde que les choses licites, il n'écoute que les choses licites. Donc ça c'est une grande récompense du fait que la personne pourra donc continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans interruption. Et plus il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il aura donc envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une espèce de relation entre les œuvres et la foi. Donc les œuvres, les bonnes œuvres, elles font monter la foi. Et plus la foi monte, plus la personne elle a envie d'œuvrer. Donc c'est ainsi dans ce hadith. La personne elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et lorsqu'il l'aime, Allah donc lui facilite le fait donc d'être d'adorer Allah par le regard, par la vue, par par les gestes et même par les mouvements donc de ses membres. Également, on a dit également qu'il n'est il est interdit aux musulmans de comprendre le hadith d'une manière fausse. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je suis son ouï », ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans le corps du musulman. Ou bien « Je deviens son regard », ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans le corps du musulman. Non, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc lui facilite le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec donc ses organes et avec ses sens. ونتيجة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث ولئن سألني هذا العبد الذي يتقرب إلي بالفرائض والنوافل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لئن طلب مني شيئا لأعطينه يعني إياه ولئن استعاذني يعني طلب مني يعني الحماية لأعيذن يعني الله سبحانه وتعالى ينصره ويحمي من كل سوء ومكروه فيصبح الإنسان مجاب الدعوات ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه بهذه الأعمال من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض وبالنوافل يصبح الإنسان مستجاب الدعوة وكان من الصحابة رضي الله عنهم من كان مستجاب الدعوة مثل من؟ سعد ابن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة سأقرأ عليكم حديثا هو عند الإمام البخاري رحمه الله يدل على كون سعد رضي الله عنه كان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله عمر واستعمل عليهم عمارا يعني ابن ياسر فشكوا يعني أهل الكوفة شكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي قالوا عن سعد بن أبي وقاص أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه يعني أرسل عمر إليه فقال يا أبا إسحاق يا كنية سعد إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها يعني لا أنقص عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين يعني أطول في الأوليين وأخف في الأخريين فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق والذي كنا نظنه منك فأرسل معه رجلان أو رجالا يعني عمر أرسل سعدا إلى الكوفة معه رجل أو رجال يعني الشهود إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة يعني عمر يريد أن يسأل أهل الكوفة عن سعد من غير الذين شكوا منه ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس يعني قبيلة من قبائل العراق فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد قال أما إن نشدتني فإن سعدا كان لا يسير بالسرية يعني لا يمشي في الغزوات ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية لما سمع ذلك الرجل سعد قال أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن عرضه بالفتن وكان بعد يعني هذا الرجل إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون إذا سئل هذا الرجل يقول أصابتني دعوة سعد يقول عبد الملك وهو راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة يقول فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوار في طرق الكوفة يغمزهن وهو رجل كبير فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد على هذا الرجل فهو كان مستجاب الدعوة وفي الوقت نفسه هنا هو مظلوم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك اللهم استجب لسعد إذا دعاك والحديث عند الإمام الترمذي وهناك يعني صحابة آخرون كان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعواتهم ولأنهم كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل كانوا يعني يقومون الليل ويصومون النهار ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع الطاعات ومن أجل الطاعات أنهم يعني نصروا هذا الدين وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا الدين من خلالهم فأعمالنا كلها تنصب في موازين الصحابة رضي الله عنهم Donc à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce même serviteur, donc en plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec tous ses membres et tout son corps, il lui dit « Et s'il me demande, assurément je l'exaucerai. Et s'il cherche près de moi asile, assurément je le lui donnerai. » Donc le hadith, comme on a dit, rapporté par le même Bukhari. Donc la personne en plus de cela, elle devient ce qu'on appelle « mustajab al-da'wa ». C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses invocations. S'il demande toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala le lui donnera. Bien sûr, des choses licites. Et s'il demande asile et protection auprès d'Allah, Allah lui donnera cela. Donc il y avait de très nombreux compagnons, radiyallahu anhum, qui étaient... qui faisaient partie donc des gens dont les invocations étaient exaucées. Donc il y en avait plusieurs. Il y a Saïd ibn Zayd, radiallahu an, également Anas ibn al-Nadr. Non. Abu Moussa al-Ash'ari. Et donc ici on va citer Abu Sa'd ibn Abi Waqqas, qui fait partie donc des L'Ashara al-Mubashari Nabil Jannah. Qui connaît les 10 L'Ashara al-Mubashari Nabil Jannah. Wasa'd. Wasa'id. Sa'id ibn Zayd. Abdurrahman ibn Auf. Baqi Sha'ad. Hein? Ashara? طلحة قال طلحة سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد بقي واحد عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص سعيد بن زيد زبير بن العوام و ها قلنا أبو عبيدة بن الجراح 10 donc سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه il faisait partie des gens donc lorsqu'ils invoquaient Allah exaucait leurs invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a invoqué Allah en disant « Allahumma stajib li sa'adin et tada'ak ». Oh Allah, répond donc à Sa'd lorsqu'il t'invoque. Donc dans Sahih al-Imam Bukhari, selon Jabir ibn Samura, il nous dit que les gens de Al-Kufa, donc la ville en Irak, ils se sont plaints de Saad. Saad, il était donc comme le ministre de Omar en Irak. Donc Omar, en entendant cela, il l'a écarté de son poste et il a mis à sa place Ammar ibn Yasir. Donc les gens se sont plaints de Saad jusqu'à arriver au point de dire qu'il ne sait pas faire la prière. Omar a envoyé un homme auprès de Saad donc pour lui demander, et en lui disant: « Oh Abba Ishaq, ces gens prétendent que tu ne sais pas faire la prière. » Saad, donc Abu Ishaq, lui dit: « Par Allah subhanahu wa ta'ala, je ne faisais que prier la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière, je faisais la prière de l'Aïcha en tant qu'imam, je faisais les deux premières raka'at d'une longue lecture, et je diminuais cela dans les deux dernières. » Omar dit alors: « Zalika adhannu bika ya Abu Ishaq. » Donc c'est ce que nous pensions de toi, ô Abu Ishaq. Ensuite, donc, Omar alors dit à Saad, Saad et Abu Ishaq, c'est la même personne, « Va avec un homme ou bien plusieurs à Al-Kufa, donc afin qu'ils soient témoins. » Et donc, ils n'ont pas laissé une mosquée sans qu'ils demandent au sujet de Saad. Donc certaines personnes seulement se sont plaints, ce n'est pas tous les gens de Al-Kufa. Donc il voulait s'assurer à Omar. Il n'a pas laissé une mosquée sans que les gens disent du bien de Saad, radiallahu anhu, jusqu'à arriver à une mosquée de la tribu de Bani Abs. C'est alors qu'un homme s'est levé, un homme qui s'appelait Usama ibn Qatada. Il s'est levé et il a dit: si vous me demandez, je vais vous dire Saad kana la yasiru bis-sariya. Il ne partait jamais en bataille. Voilà, yaqsimu bis-sawiya. Et il ne partageait pas, comment dire, avec justesse, avec égalité. Voilà, ya'dilu fil-qadiyya. Et il n'était pas juste dans ses jugements. Lorsqu'il jugeait entre des personnes, il n'était pas juste. Saad, en entendant cela, alors dit: Wallahi la ad'uwanna bi thalath. Je vais faire trois invocations. Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa atil 'umrah wa atil faqrahu wa 'arridhu bil fitan. Il a dit: oh Allah, si ton serviteur, c'est-à-dire cette personne là Usama ibn Qatada, a menti, qu'il s'est levé par ostentation, alors rend sa vie très longue. Et beaucoup de gens, ils aimeraient bien qu'on leur fasse cette dua-là. Atil Umra. En vérité, là, il a invoqué contre lui. Parce que une longue vie, s'il n'y a pas d'adoration, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Khayrukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a une longue vie et des bonnes œuvres. C'est une longue vie contre, s'il n'y a rien. Ma arna anhum ma kanu yumatta'un. أَفَرَأَيْتَ إِمَّا اتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. Vois-tu, si nous les laissons se profiter pendant des années. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُونَ. Ensuite leur vient ce qu'on leur avait promis, c'est-à-dire la mort ou يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. C'est-à-dire les choses dont ils ont profité ne leur seront d'aucune utilité. Donc il a dit: اللهم أطيل عمره. Rend sa vie très longue. Wa atil faqra. Et rend-le très pauvre. Wa arridhu bil fitan. C'est-à-dire, éprouve-le dans sa religion. Et vous remarquerez que malgré cela, Saad, il n'a pas tout de suite invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit: in kana 'abduka hadha kadhiban. C'est-à-dire, il a mis des conditions à son invocation. Ensuite, cet homme-là, donc, lorsqu'il était rencontré dans Al-Kufa, il était très très vieux et maftoun, c'est-à-dire éprouvé dans sa religion. Et lorsqu'on lui posait la question, il disait: Asabatni da'watu Saad. C'est-à-dire, l'invocation de Saad m'a atteint. Abdul Malik, donc celui qui rapporte ce hadith de Jabir ibn Samura, il nous dit: moi-même j'ai vu cet homme-là à Al-Kufa, ses deux sourcils était tombé sur ses yeux tellement il était vieux. Donc il était très très vieux comme Saad avait invoqué, et comment on peut traduire ça? Voilà, il faisait des clins d'œil en étant vieux, il faisait des clins d'œil aux jeunes filles dans les rues. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la vocation de Saad lorsqu'il lui a dit wa'arridhu bil fitan. Donc d'autres compagnons radiyallahu anhum qui étaient les mustajabin الدعوات صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.